chronique BD. Je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Giant, de Michael, aux éditions d'Argo. Donc, c'est une BD en 2 tomes, dessinée entièrement avec des couleurs sépia. Nous sommes à New York dans les années 30, sur le chantier de la construction du Rockefeller Center. Là, on rencontre Giant, un skyboy, comme on les appelle à l'époque, irlandais, qui travaille sur ce chantier. Donc, c'est un homme à la carrure imposante, d'où son surnom Giant, qui ne parle pas du tout, ou presque pas, qui travaille de façon mécanique. On le voit planter les rivets dans les poutres métalliques du Rockefeller de manière automatique. Il ne semble pas avoir d'amis, ni de famille, ni à New York, ni en Irlande. Et va survenir un accident dans lequel un de ses compatriotes irlandais va trouver la mort. Et donc ses collègues vont charger Giant d'avertir la famille de ce compatriote irlandais mort, et donc de prévenir sa veuve Marianne. Donc là va s'ensuivre un échange singulier de lettres entre outre-Atlantique, puisque Giant va dissimuler la vérité à la veuve et va, entre guillemets, se faire passer sous son mari, lui envoyer de l'argent, et voilà, entretenir une correspondance étrange. Ici, on plonge vraiment dans l'univers de New York où on voit la Grande Dépression qui a frappé vraiment durement l'Amérique. Donc tous ces immigrés irlandais, italiens, que sais-je encore, qui sont arrivés en Amérique en dépensant tout, sacrifiant tout leur argent et qui malheureusement déchantent très très vite. Le travail est rare, mal payé, la mafia règne, les difficultés sont là. Tout le temps. Voilà, donc c'est une BD qui est assez intéressante, que je recommande. Voilà. Donc je vous rappelle les références. Giant de Michael aux éditions d'Argo. C'est une BD en 2 tomes qui est disponible à la médiathèque de Remiremont. Les chroniques BD. Emma G. Wildford. Un scénario de Zidrou avec des illustrations signées Edith. Une BD parue chez Soleil Productions, collection Noctambule. Il y a 14 mois, le fiancé d'Emma, Roald Hodges, membre de la National Geographic Society, a embarqué au bord du Kinship en direction de la Norvège. Et depuis, Emma est sans nouvelles de lui. Elle questionne régulièrement les autres membres, en vain. Avant de partir, Roald a confié à Emma une mystérieuse enveloppe à n'ouvrir que dans le cas où il lui arriverait malheur. Réfutant cette éventualité, elle décide de tout quitter, sa vie, son confort, l'Angleterre, pour se rendre en Laponie. On s'attache immédiatement au personnage fantasque d'Emma, jeune fille de la bonne société anglaise des années 20, faisant fi des conventions. Zidrou, le scénariste, et Edith, l'illustratrice, ont su conjuguer leurs talents pour nous offrir une délicieuse histoire d'aventure, d'amour et de femmes libres. Cet album est aussi un bel objet, il se referme comme un coffret grâce à un rabat aimanté. Et en tournant les pages du livre, vous trouverez tantôt une lettre, tantôt une photo, petits objets en papier en lien avec l'intrigue. C'était Emma G. Wildford, Wildford, une BD proposée par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionale. Elle est disponible à Remiremont. Les chroniques BD. Je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Accoucher dehors. Une BD en 2 tomes écrite par Aurélien Ducoudray et dessinée par Anne-Laure. C'est l'histoire de 3 SDF qui s'appellent Amédée, Prie-Dieu et la Merguez qui vivent tranquillement sous les ponts au bord de la Seine dans un espèce de squat fait de carton et de tissu jusqu'au jour où ils vont se faire proprement virer par la police. Et c'est là qu'arrive le miracle puisque un notaire arrive à ce moment-là, reconnaît Amédée et lui propose un héritage. Par contre, à la clé de cet héritage, il y a une condition, c'est de s'occuper du fils trisomique de sa vieille tante qui est récemment décédée. Et en contrepartie, il récupère le magnifique pavillon de banlieue. Donc voilà, ça va être l'histoire de ces 3 SDF qui vont changer d'environnement, habiter cette maison, se battre pour garder la maison, puisqu'effectivement, ben, il y a de la jalousie aussi dans la famille, et puis au niveau du voisinage, il peut y avoir